Nombre chapitre 31. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, « Fais la vengeance des enfants d'Israël sur les Madianites, puis tu seras recueilli vers tes peuples. » Moïse donc parla au peuple, en disant, « Que quelques-uns d'entre vous s'équipent pour aller à la guerre, et qu'ils aillent contre Madian, pour exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à la guerre 1000 hommes de chaque tribu, de toutes les tribus d'Israël. » On donna donc d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes de chaque tribu, qui furent 12 000 hommes équipés pour la guerre. Et Moïse les envoya à la guerre, savoir, 1000 de chaque tribu, et avec Ophiné, fils d'Éhazar le sacrificateur, qui avait les vaisseaux du sanctuaire, et les trompettes de retentissement en sa main. Ils marchèrent donc en guerre contre Madian, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils en tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent aussi les rois de Madian, outre les autres qui furent tués, savoir, Évi, Rékem, Sur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils firent aussi passer au fil de l'épée Balaam, fils de Béor. Et les enfants d'Israël emmenèrent prisonniers les femmes de Madian, avec leurs petits-enfants, et pillèrent tout leur gros et menu bétail, et tout ce qui était en leur puissance. Ils brûlèrent au feu toute leur ville, leur demeure, et tout leur château. Et ils prirent tout le butin et tout le pillage, tant des hommes que du bétail. Puis ils amenèrent les prisonniers, le pillage et le butin, à Moïse et à Éléazar le sacrificateur, et à l'assemblée des enfants d'Israël, au camp, dans les campagnes de Moab, qui sont près du Jourdain de Jéricho. Alors Moïse, et Éléazar le sacrificateur, et tous les principaux de l'assemblée, sortirent au devant d'eux hors du camp. Et Moïse se mit en grande colère contre les capitaines de l'armée, les chefs des milliers, et les chefs des centaines, qui retournaient de cet exploit de guerre. Et Moïse leur dit, « N'avez-vous pas gardé en vie toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, à la parole de Balaam, ont donné occasion aux enfants d'Israël de pécher contre l'Éternel, au fait de Péor, ce qui attira la plaie sur l'assemblée de l'Éternel. Or maintenant, tuez tous les mâles d'entre les petits-enfants, et tuez toute femme qui aura eu compagnie d'hommes. Mais vous garderez en vie toutes les jeunes filles, qui n'ont point eu compagnie d'hommes. Au reste, demeurez 7 jours hors du camp. Quiconque tuera quelqu'un, et quiconque touchera quelqu'un qui aura été tué, se purifiera le 3e et le 7e jour, tant vous que vos prisonniers. Vous purifierez aussi tous vos vêtements, et tout ce qui sera fait de peau, et tous ouvrages de poils de chèvre, et toute vaisselle de bois. » Et Éléazar le sacrificateur dit aux hommes de guerre, qui étaient allés à la bataille, « Voici l'ordonnance et la loi que l'Éternel a commandée à Moïse. En général, l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain, le plomb. Tout ce qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu, et il sera net, seulement on le purifiera avec l'eau d'aspersion, mais vous ferez passer par l'eau, toutes les choses qui ne passent point par le feu. » Vous laverez aussi vos vêtements le 7e jour, et vous serez net, puis vous entrerez au camp. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, fais le compte du butin, et de tout ce qu'on a amené, tant des personnes que des bêtes, toi et Éléazar le sacrificateur, et les chefs des pères de l'assemblée. Et partage par moitié le butin entre les combattants qui sont allés à la guerre, et toute l'assemblée. Tu lèveras aussi pour l'Éternel, un tribut des gens de guerre qui sont allés à la bataille, savoir, de 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. On le prendra de leur moitié, et tu le donneras à Éléazar le sacrificateur, en offrande élevée à l'Éternel. Et, de l'autre moitié, qui appartient aux enfants d'Israël, tu en prendras à part de 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes, des brebis et de tous autres animaux, et tu le donneras aux Lévites, qui ont la charge de garder le pavillon de l'Éternel. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur firent, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Or le butin qui était resté du pillage, que le peuple qui était allé à la guerre avait fait, était de 675 000 brebis, de 72 000 bœufs, de 61 000 ânes. Et quant aux femmes qui n'avaient point eu compagnie d'hommes, elles étaient en tout 32 000 âmes. Et la moitié du butin, savoir, la part de ceux qui étaient allés à la guerre, montait à 337 500 brebis, dont le tribut pour l'Éternel, quant aux brebis, fut de 675. Et à 36 000 bœufs, dont le tribut pour l'Éternel, quant aux bœufs, fut de 72 bœufs, et à 30 500 ânes, dont le tribut pour l'Éternel, quant aux ânes, fut de 61 ânes, et à 16 000 personnes, dont le tribut pour l'Éternel fut de 32 personnes. Et Moïse donna à Éléazar, le sacrificateur, le tribut de l'offrande élevée de l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait commandé, et de l'autre moitié, qui appartenait aux enfants d'Israël, laquelle Moïse avait tirée des hommes qui étaient allés à la guerre. Or de cette moitié qui fut pour l'assemblée, et qui montait à 337 500 brebis, à 36 000 bœufs, à 30 500 ânes, et à 16 000 personnes. De cette moitié, dis-je, qui appartenait aux enfants d'Israël, Moïse prit à part de 50, un, tant des personnes que des bêtes, et les donna aux Lévites qui avaient la charge de garder le pavillon de l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait commandé, et les capitaines qui avaient charge des milliers de l'armée, tant les chefs des milliers que les chefs des centaines, s'approchèrent de Moïse, et lui dirent. Tes serviteurs ont fait le compte des gens de guerre qui sont sous notre charge, et il ne s'en manque pas un seul. C'est pourquoi nous offrons l'offrande de l'Éternel, chacun ce qu'il s'est trouvé avoir, des joyaux d'or, des jarretières, des bracelets, des anneaux, des pendants d'oreilles et des colliers, afin de faire propitiation pour nos personnes devant l'Éternel. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur reçurent de l'or, savoir, toute pièce d'ouvrage, et tout l'or de l'offrande élevée, qui fut présenté à l'Éternel, de la part des chefs de milliers et des chefs de centaines, montait à 16 750 sicles. Or les gens de guerre retinrent chacun pour soi ce qu'ils avaient pillé. Moïse donc, et Éléazar le sacrificateur, prirent des chefs de milliers et des chefs de centaines cet or-là, et l'apportèrent au tabernacle d'assignation, en mémorial pour les enfants d'Israël, devant l'Éternel.